quatrième et dernier temps de notre série consacrée à la guerre du Vietnam à l'occasion de la diffusion sur Arte du film de Ken Burns et Lynn Novick sur cette même guerre du Vietnam et dont les trois derniers épisodes paraîtront ce soir sur Arte. Après vous avoir parlé lundi de géostratégie avec Pierre Grosser, puis de l'arme de la propagande mardi dans le documentaire « La guerre des mots, les mots de la guerre », puis hier des images de la guerre du Vietnam au cinéma et dans les séries américaines, nous allons ce matin de tenter de comprendre quel est l'héritage stratégique de cette guerre en compagnie de deux chercheurs, de Benoît de Tréglaudet. Il est directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Il est auteur de « Héros et révolutions au Vietnam aux Indes savantes », c'était en 2013, et il publiera bientôt avec d'autres auteurs, Histoire du Vietnam de la colonisation à nos jours, aux éditions de la Sorbonne. Et également avec nous au téléphone, François Guillemot, ingénieur de recherche au CNRS. Il est l'auteur de La colonisation des corps de l'Indochine au Vietnam avec Agathe Larcher-Gaucha chez Vendémiaire, c'était en 2014. Et l'année prochaine, il publiera à la découverte Le Vietnam, une histoire contemporaine de 1858 à nos jours. Mais comme tous les jeudis, vous le savez, nous débutons cette émission par un nouvel épisode de notre feuilleton sur l'enseignement de l'histoire en France, La fabrique de l'histoire scolaire, par Séverine Ignatard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le chef d'Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Chloé Castello et Maxime Mansin font le bilan de leur deuxième année de master à l'École supérieure du professorat et de l'éducation dans l'Académie de Paris. Admis au concours de recrutement et désormais fonctionnaires stagiaires, ils ont effectué un mi-temps d'enseignement au lycée et un mi-temps de formation. Cette année a commencé avec beaucoup de stress. On enchaîne beaucoup de choses très rapidement, notamment la préparation de cours qui prend énormément de temps. Et sur ce point-là, sur l'année, il n'y a pas eu d'évolution puisque je mets toujours autant de temps à préparer mes cours, donc entre 5 et 6 heures. Donc globalement, ça fait une cinquantaine d'heures par semaine, donc ça fait beaucoup de travail, plus les cours à l'ESP, plus les heures effectives en classe. Donc voilà, c'est une année bien chargée. Alors comme le disait Chloé juste avant, c'est une année très dense. Il y a eu une évolution certaine, c'est-à-dire que j'ai peut-être un peu plus l'habitude de choisir tel ou tel document ou d'essayer d'axer le cours sur telle ou telle problématique. Donc de ce côté-là, c'est un peu plus rapide. Donc il y a eu une évolution dans l'attitude en classe. Au début de l'année, en tout cas, j'arrivais au lycée une heure avant pour être sûr que tout soit bien prêt, calibré, l'ordinateur fonctionne, etc. À la fin de l'année, j'avoue que j'arrivais une petite dizaine de minutes avant parce que ça y est, j'étais quand même assez rodé pour gérer un peu peut-être les imprévus et puis tout ce qui pouvait se dérouler au sein du cours. Et Chloé Castello, est-ce qu'il y a un cours en particulier que vous avez beaucoup aimé faire ou qui a bien marché, par exemple, auprès de vos élèves? Parce que j'imagine, il y a aussi peut-être des sujets où vous êtes plus à l'aise que d'autres. Alors, le cours, je pense, que j'ai préféré, c'est en seconde sur l'Arctique. En fait, il me restait plus beaucoup de temps pour faire ce thème-là. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire tenir sur 3 heures quelque chose que je dois faire en 5 heures? Donc, en fait, je les ai mis devant plusieurs cartes. Plusieurs textes tirés soit de manuels, soit de documents que j'apportais. Et je leur ai dit, OK, à partir de tout ça, vous devez me construire un croquis de synthèse sur l'Arctique qui reprend tous les enjeux que vous voyez dans les cartes et dans les textes. Et donc là, pendant 2 heures, ils travaillaient à fond dessus, ils étaient par groupe. Et il n'y en a pas un seul qui s'est démobilisé pendant les 2 heures. Et à la fin de l'année, du coup, sur cette même fiche bilan, ils m'ont dit ce qu'on a préféré, c'est le cours sur l'Arctique, en fait. Et au niveau des outils pédagogiques, c'était simple pour vous ou ça nécessitait, j'imagine, des recherches, enfin... Alors à l'ESP, on a eu des cours là-dessus, notamment, enfin ça s'appelait concevoir son enseignement, et donc c'était des cours de didactique qui nous font réfléchir sur nos pratiques, sur ce qu'on peut mettre en place, et le tutorat aussi où on présentait des séquences, et donc on avait des exemples de choses qui marchaient bien avec les autres, et donc qu'on pouvait reprendre. Après, c'est vrai que moi, du coup, la didactique m'a passionnée, donc je m'y suis bien mise. J'ai lu pas mal en didactique aussi. Et là, effectivement, ça donne des idées pour mettre en œuvre nos cours avec une approche différente qui n'est pas uniquement, il y a des documents, on pose des questions, on fait une reprise, on fait le bilan et on passe à l'heure suivante, qui est ce que je fais globalement 90% du temps, mais les 10% où j'essaye d'autres choses, ça marche mieux. C'est vrai que la didactique, dans mon cas, oui, ça m'aide beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup faire du cours magistral. Bon, j'en fais pas tout le temps, évidemment, parce que c'est en seconde, on peut pas faire que ça, et il faut pas faire que ça, faut faire travailler aussi certaines compétences. Mais moi, j'aime beaucoup le magistral, contrairement à certains de mes collègues. Donc oui, forcément, il y a des phases où, là, j'étais le professeur qui enseignait directement un savoir, avec aussi des phases de ce qu'on appelle de cours dialogue, c'est-à-dire où on transmet un savoir, mais on partage avec les élèves, on échange avec eux si éventuellement il y a une question. Donc oui, l'idée, c'était évidemment de varier les types de situations pédagogiques, bon, tout simplement pour pas les ennuyer, parce que si on fait une heure de magistral, on peut être sûr qu'au bout de 30 minutes, on a perdu la moitié, plutôt même trois quarts de la classe. Et vous, Maxime Mansin, alors est-ce qu'il y a un cours où voilà, vous étiez content, les élèves étaient aussi contents Alors oui, en classe de seconde, en géographie, dans le chapitre sur les risques. Donc j'avais décidé de leur faire faire des recherches sur le risque nucléaire, le nucléaire civil hein, évidemment. Donc 2 heures en salle informatique par petit groupe. Je fais un bilan des représentations en demandant aux élèves, bon, qu'est-ce que vous pensez des centrales nucléaires ? Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que vous êtes défavorable ? Tous ceux qui avaient dit qu'ils étaient pour les centrales nucléaires, je leur ai fait justement chercher des arguments contre, ce qui les a beaucoup ennuyés. L'idée, c'était de faire un débat entre ces différents groupes avec 2 personnes qui animaient un débat, 2 secrétaires de séance, si on peut dire, et 4-5 élèves qui débattaient entre eux. Et franchement, j'ai été très étonné parce qu'on peut se dire, bon, le risque nucléaire en France et dans le monde, ça n'a pas forcément les intéressés, mais le débat s'est très très bien passé. Les élèves distribuent leurs arguments et essayaient de gagner à la fin. Et du coup, à la fin, on a fait un petit vote. C'était justement la période présidentielle, donc j'en ai profité pour un peu les faire voter, les faire dépouiller, tout ça. Et vous, Maxime Mansin, avec l'équipe d'enseignants, vous aviez des contacts fréquents, puis vous aviez un tuteur ? Oui, alors dans l'équipe d'histoire-géographie, dans mon lycée, on était 8, avec un tuteur terrain qui est venu dans ma classe, je suis aussi venu dans la sienne pour justement qu'il me donne des conseils sur ma propre pratique, surtout en début d'année, c'est là où c'est le plus important, parce que c'est là où on pose les bases et où il faut vraiment se montrer performant pour qu'ensuite le reste de l'année se déroule correctement. Et donc vous, Maxime, vous êtes content d'être titularisé dans très peu de temps pour exercer ce métier ? Oui, très. Je voulais être professeur depuis tout petit, dès 8 ans, je voulais être professeur, d'abord professeur des écoles, ensuite professeur de français, et ensuite finalement professeur d'histoire-géographie, parce que j'ai fait de l'histoire à la fac. Donc pour l'instant, je suis très content de cette première année, et pressé de rencontrer de nouveaux élèves, de nouveaux collègues dès septembre. Clairement, je ne pourrais pas faire autre chose après cette année-là. On a des élèves différents chaque année, donc ça change tout le temps. On peut faire des cours différents aussi, même si on a déjà des cours, on peut les reprendre, en faire de nouveaux, voir si ça marche, si ça marche pas. Non, franchement, j'ai pas du tout envie de faire autre chose que d'être prof. Et voilà, si vous voulez réécouter ces professeurs qui sont heureux, c'est assez intéressant d'en avoir qui sont heureux de faire ce métier, alors que généralement à la rentrée, comme un marronnier journalistique, on ne donne la parole qu'à ceux qui sont mécontents. Eh bien, vous pouvez télécharger cette émission sur le site de France Culture. Bonjour à vous, Benoît de Tréglaudet. Bonjour. Bonjour, François Guillemot. Bonjour. Vous êtes tous les deux chercheurs sur le sud-est asiatique et sur le Vietnam. Alors, Benoît de Tréglaudet, si vous aviez 2 heures devant une classe de terminale pour tracer comme cela les enjeux et les perspectives qui sont issues de cette guerre du Vietnam, vous diriez quoi comme cela, vous qui êtes plutôt habitué aux grandes conférences internationales devant justement des homologues chercheurs de tous les pays sur la question stratégique ? La question qui me semble fondamentale quand on parle du Vietnam communiste, c'est de la façon dont les Vietnamiens, à nouveau en guerre à partir de 1945-46, ont essayé de retrouver une capacité à mobiliser leur peuple. Ça a été de recoller les morceaux entre une histoire nationale ancienne, marquée par des luttes ancestrales contre la Chine, depuis la libération du pays contre ce pays au XIe siècle, jusqu'au redémarrage de la guerre contre la France et l'arrivée de la guerre froide qui a considérablement modifié le paysage en fait de ce conflit. Donc c'est vrai, la chose que j'essaierai de faire auprès de mes étudiants, ou que j'essaye de faire auprès de mes étudiants, c'est naturellement de montrer que de rupture en 1945, il n'y en a pas eu de façon aussi nette, et que tout l'enjeu en fait des hommes de Ho Chi Minh, à partir de allez, 47-48, ça a été de montrer au peuple et de montrer surtout à leurs alliés, leurs nouveaux alliés, chinois puis soviétiques, qu'il y a une continuité dans la pensée stratégique vietnamienne et qu'elle est surtout marquée par des figures vietnamiennes qui sont à l'origine, encore une fois, de cette capacité que ce peuple a de rentrer dans des guerres asymétriques et puis de pouvoir lutter contre des puissances plus fortes qu'elle. Alors, c'est justement quelque chose qui est peu connu lorsqu'on s'intéresse à cette guerre. On a évidemment beaucoup travaillé sur la vision stratégique des Américains, la façon dont ils avaient conçu et fait évoluer leur système stratégique tout au long de la guerre du Vietnam, mais on a peu travaillé sur le système stratégique tel qu'il était pensé par les Vietnamiens. On sait évidemment qu'il y a dans la pensée stratégique chinoise, en particulier Sun Tzu et tout ce qu'il a écrit sur l'art de la guerre, et qui a été lu d'ailleurs bien au-delà de la Chine. Mais qu'en est-il des penseurs stratégiques chinois, justement, Benoît de Triglaudé ? C'est vrai que le Vietnam... Vietnamien. Le Vietnam communiste, depuis les années 50, a vraiment mis en valeur un vrai panthéon de grands stratèges vietnamiens qui sont à l'origine de leur capacité à les imiter et à se séparer, à se distinguer donc des grands penseurs chinois que vous évoquez. Moi, j'en retiens, mais on pourrait peut-être en trouver davantage, mais je retiens cinq figures majeures, en fait, dans l'histoire vietnamienne qui, soudainement, sont revenues au premier plan dans les années 50. N'oublions pas qu'Ho Chi Minh se revendiquait une figure de lettré confucéen qui était là pour faire assurer une continuité, alors que ses caporaux, alors que ses généraux, alors que ses proches lieutenants, eux, étaient plus prêts à reprendre le discours de Mao Zedong et des grands théoriciens chinois. Donc, il y a soudainement dans l'histoire politique vietnamienne des années 50, cinq figures qui réapparaissent, deux anciennes figures, le fameux général Chen Hung Dao du 13e siècle, qui lui avait vaincu les troupes sino-mongoles dans une bataille très célèbre au Vietnam, la bataille de Bac Dang en 1288, où soudainement les Vietnamiens étaient capables de repousser des forces navales chinoises arrivant sur leur territoire. Avec une stratégie très particulière, puisqu'il avait, il avait mis des pieux ferrés, je crois, à l'intérieur des rivières que remontaient les forces sino-mongoles en bateau, et ils avaient percer la coque de ces bateaux sino-mongols qui avaient provoqué une véritable déroute de la part des forces sino-mongoles. Tout à fait. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que les Vietnamiens n'avaient pas une véritable expérience de combat sur les mers à cette époque-là. C'est arrivé plus tardivement, cette tradition de la mer, même c'est très récent. Et ça veut dire surtout que on avait un général vietnamien qui était prêt à théoriser pour la première fois le concept de la guerre asymétrique et comment véritablement, avec les moyens du bord, battre un adversaire supérieur. Avec une série de verbes qui lui servaient de référence, je crois, qui étaient feindre, dégager, parer, poursuivre. Donc feindre qu'on n'était pas à la hauteur, d'une certaine façon, du combat, pour que l'adversaire se prenne de l'assurance et vienne sur votre territoire. Dégager, c'est justement fuir devant cet adversaire quand il arrivait. Parer, c'était parer son attaque, et puis poursuivre, parce qu'une fois qu'il était en déroute, on pouvait y aller. C'est ça. Et c'est ce que Ho Chi Minh et ce que les communistes vietnamiens ont retenu dans les années 50, c'est que Chen Hung Dao est le premier à montrer que la guerre conventionnelle, elle pouvait se doubler d'un complément indispensable, qui était une guerre de guérilla et asymétrique. Et donc c'est ça qu'on a retenu, en fait, c'est ça que les communistes ont retenu de cette figure majeure. Alors il y en a d'autres, des figures. Il y en a d'autres. La seconde, ça arrive trois siècles plus tard, au 15e siècle, c'est le lettré Nguyen Chai, qui était conseiller politique, conseiller militaire du général Lê Lợi, qui est devenu par la suite le futur empereur Li Taito, et qui lui aussi a été connu pour avoir vaincu les troupes chinoises des Ming en 1428. Et qu'est-ce qu'on retient de cet apport ? Parce que lui, l'avantage sur Chen Hung Dao, Nguyen Chai, c'est qu'il a laissé des textes qui ont été repris. Des textes théoriques. Théoriques sur l'art de la guerre. C'est un peu le premier théoricien de la guerre du peuple au Vietnam. D'ailleurs offert à Hanoï une édition en français de cet auteur, justement, lorsque je m'y suis rendu pour faire cette série sur la guerre du Vietnam qui a été diffusée il y a une vingtaine d'années sur France Culture. Et effectivement, il était édité et réédité à Hanoï. Tout à fait, parce qu'il a apporté deux éléments fondamentaux qui ont été repris par la suite. C'est un, que la guerre devait être faite par les gens du peuple, par les paysans, et pas uniquement par des professionnels de l'armée. Et ensuite, qu'une guerre défensive ne pouvait être qu'une guerre juste. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de défaite dans une guerre juste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, naturellement, a été par la suite un laïus repris par les communistes vietnamiens. Donc, le troisième penseur, voilà, nous y sommes, c'est Ho Chi Minh, qui, lui, au XXe siècle, a réussi à essayer tout au moins de faire cette greffe entre une pensée révolutionnaire internationaliste, avec des emprunts naturellement soviétiques, des emprunts chinois, vous l'avez mentionné. Et une pensée nationaliste. Et une pensée nationaliste. Il a été doublé par son homme de main, son lettré à lui, en fait, qui était son bras droit, si connu à l'étranger, le général Vong Nguyen Giap, qui est décédé il y a quelques années. En 2013. Et qui, lui, a essayé véritablement de théoriser à travers un texte majeur qui s'appelle « Guerre du peuple, armée du peuple », cette synthèse de la guerre révolutionnaire, à la fois empreinte de traduction de Mao, parce que lui, il a lu Mao, lui, il était enseignant, professeur d'histoire, il était fier de dire qu'il pouvait récupérer des théories venant du monde entier, il citait volontiers Clausewitz, il citait volontiers les guerres napoléoniennes, bien et sûr. Naturellement... C'était Mao un grand lecteur des guerres napoléoniennes en particulier. Tout à fait. Et il fut suivi, donc il a connu son heure de gloire, on le sait tous, autour de la victoire de Dien Bien Phu le 7 mai 1954, mais il n'a pas été le dernier, on va dire, grand théoricien, grand stratège repris par la propagande vietnamienne. Le dernier, beaucoup moins connu, c'était le secrétaire général du parti de 1960 à 1986, Lê Duẩn, qui lui a lancé son pays contre l'avis De Ho Chi Minh en particulier, de Vong Nguyen Giap en particulier également, parce que Lê Duẩn, c'est la disparition politique de Vong Nguyen Giap. C'est, alors que dans la mémoire collective, au Vietnam et à l'étranger, Vong Nguyen Giap a été le grand théoricien de la guerre du peuple au XXe siècle, alors que dès les années 60, Giap avait disparu. Il était remplacé par Lê Duẩn, qui lui a lancé son pays dans la guerre avec le Sud, a été l'instigateur et le théoricien de la Troisième Guerre d'Indochine également. On pourra en reparler à la fin des années 70. Et l'ensemble de ces cinq grandes figures, de ces cinq grands stratèges vietnamiens, ont été à l'origine de ce renouveau de la pensée stratégique vietnamienne. Oui, il faut préciser que Lê Duẩn, justement, prend la main à l'intérieur du Nord Vietnam, donc assez tôt, alors qu'on met toujours en avant la figure de Ho Chi Minh et celle de Giap, mais effectivement, il prend la main assez tôt et qu'il va être le théoricien de cette descente vers le sud en passant par les pays voisins en particulier, et de cette fameuse piste surnommée piste Ho Chi Minh qui va permettre d'alimenter en armes, d'alimenter en soldats le Sud-Vietnam et ceux qui résistent au régime de ce Sud-Vietnam. Et ça, c'est effectivement une innovation stratégique majeure qui va beaucoup perturber, c'est le moins qu'on puisse dire, les Américains sur ce point. Et qui a beaucoup perturbé les Vietnamiens également. C'est étonnant, dans l'historiographie vietnamienne, c'est toujours aujourd'hui, au XXIe siècle, difficile de dire que Ho Chi Minh, en 1960, était quasiment mort politiquement, alors que sa mort physique sera pour septembre 1960. 69, mais pendant une dizaine d'années, et la seconde guerre du Vietnam a été pensée contre Ho Chi Minh et par les Duan. Yeah, yeah, Isabella, I said it's so hard out here in this world, Machine gun, gun, gun me down. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h26 sur France Culture, le quatrième volet de notre série consacrée à la guerre du Vietnam à l'occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision Arte des 9 épisodes de la grande fresque documentaire de Ken Burns et de Lynn Novick sur cette même guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, nous parlons avec nos deux invités, Benoît de Tréglaudet et François Guillemot, de l'héritage stratégique de cette guerre du Vietnam. François Guillemot, vous avez travaillé sur d'autres que les tendances communistes à l'œuvre dans le nationalisme vietnamien, et en particulier avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait une altère stratégique qui était portée par d'autres que les communistes à l'intérieur de ces conflits dans la péninsule indochinoise, François Guillemot? C'est difficile à dire parce que je pense qu'il n'y a pas encore eu assez d'études vraiment liées à l'ensemble de la polémologie qui s'est développée, qui s'est théorisée au nord comme au sud. Mmh. Si on prend un certain nombre de généraux sudistes, il y a eu véritablement le développement aussi d'une polémologie particulière, notamment dans les années 60 où l'idée était quand même de reconquérir le nord, hein, Bac Tien, c'est-à-dire essayer de tenter la reconquête du nord. Bon, ça a été rapidement impossible et déclaré comme tel, et le président Thieu à la fin dans les années 70 a clairement compris que au contraire il fallait ne plus toucher au nord mais préserver l'espace vital de la République du Sud au sud avec les alliés américains. Et puis peut-être une des faiblesses aussi de cette République du Sud de Vietnam, c'était sa faiblesse, pourrait-on dire, idéologique. Elle s'était dotée, à la chute de Dien Bien Phu et à la création justement de cette République du Sud de Vietnam, elle s'était dotée d'une idéologie qui était inspirée par le personnalisme d'Emmanuel Mounier, qui était voulu par le catholique, qui était Ngo Dinh Diem, qui dirigeait cette République du Sud de Vietnam. Mais évidemment, cette pensée, pourrait-on dire idéologique, était difficile pour forger, disons, un esprit collectif qui fasse front à l'esprit du Vietnam du Nord communiste. Oui, le régime de Ngo Dinh Diem était un peu l'alter ego de ce qui se passait au Nord. Hein. On avait une sorte d'état-parti contrôlé par la police secrète de Ngo Dinh Diem. Donc, et les communistes ont beaucoup souffert au sud de cette particularité et de la répression qui était organisée par le régime de Diem. D'ailleurs, ils ont reconnu que une grande partie, peut-être 90% de leur force a été quasiment neutralisée à ce moment-là. Et l'opportunité qui se présente en 1964, enfin après l'assassinat de Diem, donc un assassinat béni d'une certaine façon par les forces américaines parce qu'elles avaient du mal. Voilà, il y a un feu vert qui est donné, mais effectivement, ce sera une grave erreur et William Colby, qui était le directeur de la CIA, reconnaîtra que c'était la plus grosse erreur de la guerre du Vietnam d'avoir laissé faire assassiner Ngo Dinh Diem, qui et son frère seulement écarté du pouvoir. Mais le Politburo à Hanoï a très bien compris que l'opportunité qui se présentait déjà auparavant en 45 se renouvelait en 64 et qu'il fallait du coup reprendre cette idée de la réunification par la force et par la violence révolutionnaire. Alors là, moi, je nuancerais un peu le propos de Benoît. Je pense que ce n'est pas vraiment les zones contre, mais je pense qu'il y a un rapport au collectif qui est très différent. Et effectivement, les pacifistes, ou si vous voulez, ceux qui étaient pour une coexistence pacifique et la construction du socialisme au Nord, se sont effacés, ont été soumis à l'idée de la réunification par la force et notamment avec l'appui de la violence révolutionnaire qui est un terme qui revient constamment dans le discours maoïste. Et là, les Zouan appliquent une polémologie qui est plutôt issue du maoïsme militant et révolutionnaire. Donc, après, ce qui se passe, c'est vraiment la dégringolade pour le Sud. On rentre dans une période de chaos intense pendant 3 ans. Avant que de nouvelles institutions démocratiques se mettent en place. Avec le président Thieu. Dans un contexte de guerre civile, hein, dans un contexte de guerre et de contestation de la guerre d'ailleurs. Et les dirigeants sud-vietnamiens ont très rapidement compris que si on regarde par exemple les interviews de l'ancien ambassadeur Bui Diem, ont très bien compris qu'ils étaient débordés par l'arrogance américaine. C'est-à-dire que lors du débarquement de Da Nang, les Américains ne préviennent pas. Donc ils font ils font feu de tout bois, ils s'imposent et le gouvernement sud-vietnamien est rapidement débordé par tout ce déferlement militaire et toutes ces agressions répétées contre le Sud. Mais je dirais que tout ça, c'est une histoire en chantier. On a peu travaillé sur l'impact des bombardements sur la population du Sud. On a peu travaillé sur les déplacements de population aussi au Sud. Et on a également peu travaillé sur la contestation de ces bombardements par la presse du Sud, qui était une presse semi-libre, enfin dans un pays quand même semi-démocratique, où il y avait une contestation possible. Vous venez de dire quelque chose... Au nord. Oui, vous venez de dire quelque chose de très important, François Guillemot, c'est que d'un côté, il y a une presse qui est, vous l'avez dit, semi-libre, mais qui, pour donner des allures justement de régime démocratique au Sud, est obligée d'une certaine façon, on laisse un peu la bride sur le cou au journalisme dans ce Sud Vietnam. On sait aussi combien la pression de la presse américaine sur la volonté de savoir, d'aller voir, de montrer, etc., dans cette guerre du Vietnam a été très importante et a fini par se retourner contre les Américains eux-mêmes. Et de l'autre côté, tout de même, un régime du secret, un art de la dissimulation, de l'embuscade, qui a été quand même une des particularités aussi de la stratégie nord-vietnamienne et de ses alliés au Sud-Vietnam. Ça, c'est très important. François Guillemot et puis Benoît de Tréglaudet sur ce point, c'est-à-dire comment le secret a été aussi au cœur de la résolution de ce conflit en faveur du Nord-Vietnam. François Guillemot. Je dirais, vous voyez, un seul exemple. Il a fallu attendre la fin des années 90, voire 2000, grâce aux chercheurs chinois, pour comprendre que sur le terrain du Nord-Vietnam, il y avait entre 65 et 73, 320 000 officiers et militaires chinois. Voyez. Donc l'art de la dissimulation, il a fonctionné, parce que même la CIA n'était pas totalement informée de ces 320 000, hein, si vous prenez l'étude de Quang Zai qui est sortie en 2000 déjà, hein, et puis d'autres chercheurs chinois ont encore amené des informations très importantes. Donc évidemment, on est toujours dans ce rapport asymétrique où la présence américaine au Sud est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante, puisque à son top niveau en 68, c'est un demi-million d'hommes. Ouais, 500 000. Mais tout de même, on a une présence chinoise en troupes et en officiers qui est considérable. Et puis aujourd'hui, on a les témoignages des officiers russes qui ont beaucoup aidé pour la DCA, et puis les témoignages des officiers cubains et d'autres alliés de la RDVN. Donc c'est vrai que c'est une histoire secrète qui commence à sortir. Ceci dit, il est indéniable que le concept de la guerre du peuple a permis à la RDVN au nord de remporter la victoire, hein, notamment la mobilisation qui a été très très forte dès Dien Bien Phu avec ce qu'on appelait les travailleurs civiques, et puis la mobilisation dans les années 60 des jeunesses de choc qui sont descendues par centaines de milliers par la piste Ho Chi Minh pour maintenir la logistique et faire arriver tout le matériel. Et ça, c'est un petit détail, mais qui, à mon avis, est important, c'est-à-dire que la logistique organisée de cette guerre fait partie de la polémologie, en fait, de la RDVN, est un des ressorts de la victoire. Et des innovations sur ce point. Benoît de Tréglaudet. Oui, en fait, cette question du secret, elle est fondamentale, elle est... à la construction même de l'État-parti vietnamien au nord dans les années 50, parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que la question de l'internationalisation pose, d'une manière ou d'une autre, aux idéologues vietnamiens, la question de l'antériorité ou de la primauté au niveau de la mise en place et de la construction de la révolution au Vietnam. C'est vrai que les questions, François le soulignait, les questions de la présence de troupes étrangères sur le sol vietnamien, dès le départ, est une question taboue. Alors qu'on sait très bien que Moscou, Staline avait décidé de confier les rênes de la révolution vietnamienne à Mao Tse-Tung, et que les conseillers chinois, les premiers conseillers chinois ont débarqué dans les provinces du Nord, les provinces montagneuses de Cao Bang, de Lang Son, dès 1900, fin 50, 51, et qu'ils ont partiellement fait ce qu'on appelle aider à construire, à la fois à mobiliser les populations, à construire des institutions révolutionnaires et à accompagner la stratégie vietnamienne dans une lutte plus conventionnelle avec la France. Et l'un des tabous de cette histoire, il faut le rappeler, c'est la présence aux côtés de Wang Yuanzhap de conseillers militaires chinois extrêmement actifs pendant les mois de la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Et ça, aujourd'hui encore, c'est difficile à faire accepter aux Vietnamiens de dire que... Qu'ils n'ont pas été seuls. Ils n'ont pas été seuls. Oui, alors c'est ce qui est très important, et peut-être il faudrait insister avec vous deux sur cette question, Benoît de Tréglaudet et François Guillemot, c'est justement cette question, c'est-à-dire que même dans le film de Ken Burns et de Lynn Novick, qui est absolument formidable, qu'on peut voir sur Arte encore ce soir et qu'on peut regarder, j'imagine, sur le site de replay de Arte, eh bien, on est encore réduit, d'une certaine façon, à une sorte de trio, c'est les Américains, les Nord-Vietnamiens, les Sud-Vietnamiens et les alliés du Nord-Vietnam. Or, ce que vous expliquez tous les deux, en l'occurrence François Guillemot et Benoît de Tréglaudet, c'est l'importance, effectivement, l'investissement international sur un conflit comme le conflit du Vietnam qui dure aussi longtemps, Benoît de Tréglaudet. Alors on oublie naturellement les acteurs majeurs aussi de ce conflit, ce sont les Soviétiques. Les Soviétiques, à la fin des années 40, il n'y en avait aucun sur le sol nord-vietnamien. Il y en avait juste dans la Légion étrangère où effectivement certains historiens russes ont travaillé sur la question. Il y avait énormément de Russes qui ont intégré la Légion étrangère et qui se battaient aux côtés donc du corps expéditionnaire français. Ah, ils étaient plus soviétiques ceux-là. Les Russes dans les années 60, par contre, on en trouve de nombreux. On trouve de nombreux conseillers soviétiques qui accompagnent en fait la guerre nord-vietnamienne. On trouve des pilotes d'avions de chasse, on trouve des conseillers dans tous les corps des armées. Et là encore, les études manquent ou les documents manquent pour pouvoir montrer véritablement la réalité de cette présence en hommes, en troupes soviétiques sur le sol nord-vietnamien qui ont directement participé au combat contre les Américains et participé notamment à la descente d'avions de chasse américains dans les années 60. Donc des Russes, des Chinois, de l'autre côté, des Thaïs, des Sud-Coréens, François Guillemot qui aide ou qui soutiennent l'offensive des Américains et des Sud-Vietnamiens pour pouvoir reconquérir le Nord. Oui, c'est-à-dire que toute cette présence étrangère est encore assez mal connue. Si on prend le cas des Sud-Coréens, on commence à avoir des études et qui apparaissent, et puis on a des débris de la guerre, si vous voulez. Je pense à cet auteur sud-coréen, Hwang, là, qui a écrit deux romans relatant son service pendant la guerre du Vietnam. Donc ça a marqué énormément aussi la société sud-coréenne. Et la Thaïlande, il y a très peu d'études aussi sur le rôle des Thaïlandais ou même le Bangkok comme arrière-base des Américains. Donc on a toute une histoire de l'Asie du Sud-Est qu'il faudrait essayer d'élargir pour comprendre comment s'organise un peu à l'image de ce qu'avait fait Christopher Gauchat, autre historien qui est un collègue à nous à l'Université de Montréal. Il avait déployé un peu toute cette analyse des réseaux asiatiques, des réseaux de la guerre pendant la première guerre d'Indochine. Il faudrait quasiment faire la même chose au niveau de ce qu'on appelle la guerre américaine ou la guerre du Vietnam. C'est quand même très très très étonnant, Benoît de Tréglaudet, qu'on se retrouve dans cette situation où une guerre qui est a priori extrêmement connue, extrêmement documentée, en tout cas par les images qu'elle a provoquées pendant et après cette guerre du côté américain en particulier. Vous semblez dire que l'un et l'autre, que la recherche, non pas patine sur ces questions-là, n'a pas les moyens ou ne va pas chercher à se développer, alors qu'elle a servi de matrice à d'autres guerres. On y a appris des choses. Par exemple, le rôle de l'aviation a été considérablement transformé parce que les bombardements américains sur la piste Ho Chi Minh et sur le Nord-Vietnam n'ont pas suffi à résoudre, comme le pensaient les penseurs de l'aviation américaine, le conflit. Et des penseurs américains de la guerre, de la polémologie, ont repensé la question du rôle de l'aviation dans des guerres pour l'Irak, pour d'autres interventions extérieures des États-Unis en fonction de ce qui s'était passé au Vietnam, dans notre église. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est quand on parle d'intervention militaire d'alliés, en fait, on parlait de l'intervention militaire des Chinois au Nord-Vietnam, aux côtés des troupes de l'armée populaire vietnamienne, il y a deux choses. Il y a les militaires, les soldats qui partaient ou qui conseillaient leurs collègues ou leurs homologues vietnamiens, et il y a ceux qui qui s'installaient avec leur famille, avec le reste, avec leurs collègues, leur régiment, etc. Et toute l'histoire, si on prend une histoire qui m'intéresse beaucoup en ce moment, celle de la frontière de l'amitié, ce qu'on appelait à l'époque la frontière de l'amitié sino-vietnamienne, donc la frontière terrestre au nord du Vietnam avec la Chine, à partir de 62-63, on est début de rupture sino-soviétique, on n'a pas le temps de revenir là-dessus et de voir les conséquences que ça a eu sur le conflit vietnamien, mais c'est important. Et à partir de 62-63, ces Chinois qui soutiennent l'armée vietnamienne et qui sont vraiment très présents en nombre important, comme l'a dit François, sur le territoire vietnamien, eh bien, ils s'installent et ils créent parfois des problèmes avec les populations locales, etc. Et les archives vietnamiennes, quand elles s'ouvrent sur ces questions, regorgent de témoignages extrêmement riches qui permettent de donner une autre lecture de cet internationalisme sino-vietnamien, une autre lecture de la guerre et de faire comprendre que la guerre, c'est à la fois des aspects positifs mais également des aspects négatifs pour les Vietnamiens. Oui, François Guillemot, même question que celle que je viens de poser à Benoît Tréglodé. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, toutes ces zones d'ombre qui ne sont pas encore levées, ces travaux qui ne sont pas encore faits ce réseau, comme vous voulez le dire, en l'occurrence, François Guillemot, autour de ce qui se passe sur le sol vietnamien pendant ces années de guerre américaine? Écoutez, moi-même, je suis surpris. J'ai regardé les 6 premiers épisodes de Ken Burns et de Lynn Novick sur The Vietnam War, et je suis un peu resté sur ma faim, parce qu'on est encore dans la logorée, la polémologie américaine, vous l'avez très bien dit, tout ce qui concerne les Américains, c'est bien... les Américains. C'est documenté. C'est documenté. On sait très bien que McManara, on le sait depuis les écrits de Daniel Ellsberg sur les Pentagon Papers, que depuis 65, McManara savait que tout était plié et que c'était... McManara, c'était le secrétaire à la défense, c'était donc le ministre de la défense américain de Johnson, en l'occurrence, et dès 65, il pense que c'est fini, on l'entend d'ailleurs dans cette série documentaire d'Arte, mais il ne démissionnera qu'en décembre 1967 et sa démission prendra effet en février 1968, juste après l'offensive ratée du Tet, François Guillemot. Voilà, et on connaît aussi cette date clé de 68 avec le cynisme de Nixon qui veut continuer la guerre, lié à des fins plus ou moins électoralistes. Bon, ce qui m'a un peu gêné, moi, dans ce nouveau type de documentaire, c'est qu'évidemment, les Vietnamiens apparaissent, mais ils n'apparaissent pas assez. Et globalement, les autres n'apparaissent pas non plus du tout. Donc, tous ceux qui ont participé, ils pourraient tout à fait interviewer des chercheurs chinois qui ont travaillé sur la question. Oui, mais comme ils n'interviewent que des témoins, ils interviewent essentiellement des témoins, effectivement, je pense que les témoins de l'époque chinois ne parlent peut-être plus pour une raison ou pour une autre, ou ne sont plus présents. Enfin, non pas que je défende le travail de Lynn Novick et de Ken Burns sur ce point, mais c'est peut-être effectivement extrêmement difficile de demander, en raison de règlements de compte internes, en particulier au PC chinois, d'avoir accès à tel ou tel ancien dignitaire de cette guerre vietnamienne du côté chinois, François Guillemot. Oui, mais il existe par exemple du côté russe, du côté soviétique, bien sûr, des gens qui parlent, bien sûr, et du côté cubain. Bon, enfin, et puis le premier épisode m'a vraiment laissé sur ma faim parce que tout l'état de Bao Dai est passé à la trappe. Effectivement, il y a une carte qui est absolument terrifiante au début du documentaire où on voit, on ne comprend pas la division au 16e parallèle suite aux accords de Potsdam. Enfin, il manque énormément il y a des trous. Rappelons que Bao Dai était donc ce souverain qui a été mis sur le trône en partie par les Français pour pouvoir faire pièce justement au communisme du Nord Vietnam. Voilà, on ne comprend pas trop comment ce contre-État nationaliste, si vous voulez, se met en place et pourquoi et pour quelles raisons liées à la guerre civile et liées à l'événement fondateur de 45-46. Donc c'est vrai que, si vous voulez, depuis la grande série de Henri Turenne qui était sortie en 84, il me semble, je trouve qu'on a fait un petit pas en avant, mais il reste pas suffisamment de choses à faire. Voilà, c'est ça. Le point positif tout de même que je relèverais, le point positif, c'est qu'on parle enfin quand même des femmes, du rôle des femmes dans cette guerre du côté de la RDV. Dont vous êtes spécialiste, François Guillemot. Oui. Ouais. Non, je dis, vous êtes spécialiste de cette question des femmes dans cette guerre du côté nord-vietnamien en particulier. Et donc, effectivement, oui, on en parle. Il a fallu attendre les années 90 et il a fallu attendre l'année 2004 pour qu'une association des anciennes combattantes de la piste Ho Chi Minh soit officialisée. Donc, ça a été très très long, hein, ce rapport à l'histoire, ce rapport à la mémoire et ce rapport à l'engagement dans la guerre. Sur ce point, Benoît de Triglonet. Moi, j'aimerais peut-être, défendre d'une certaine façon la communauté des historiens qui travaillent sur cette question de l'internationalisation de la guerre du Vietnam, parce que on est tous confrontés à une réalité qui est terrible, c'est que on travaille sur fonds d'archives et les fonds d'archives qui pourraient nous être extrêmement éclairants sur la participation des Chinois ou des forces soviétiques ou des autres puissances asiatiques dans le conflit vietnamien, ben ces fonds d'archives sont difficiles d'accès. Contrairement aux fonds d'archives américains qui sont déclassifiés. C'était il y a quelques années encore assez facile de travailler sur les fonds soviétiques. Ils sont à nouveau partiellement fermés aujourd'hui. Mon dernier séjour au centre numéro 3 des archives vietnamiennes à Hanoï, on m'a refusé l'accès à certains documents sur la frontière de l'amitié qui dataient de 1957-58 sous prétexte que ça parlait de la Chine et que la Chine était encore une question stratégique pour le Vietnam et que c'était trop sensible. Alors que ces documents datent quand même des années 50. Venons-en d'ailleurs à cette question avec vous, Benoît Triglaudet. Tout de même, il y a une troisième guerre qui va se dérouler en 1979, justement une guerre entre la Chine et le Vietnam, qui est très importante dans l'esprit des Vietnamiens en particulier, et qui va peut-être aussi marquer la position du Vietnam face à ce grand voisin chinois jusqu'à aujourd'hui. Eux qui considèrent que la mer qui longe le Vietnam s'appelle la mer de l'Est sont confrontés à ces Chinois qui considèrent qu'il s'agit de la mer de Chine méridionale qui baigne les plages du Vietnam. Et donc il y a aujourd'hui des questions de relations entre le petit Vietnam et la Chine voisine très importante qui sont encore peut-être déterminées à la fois par ce conflit américain au Vietnam, mais aussi par la troisième guerre du Vietnam, qui était cette guerre sino-vietnamienne en 1979, Benoît de Triglaudet. Alors la troisième guerre du Vietnam, on l'a fait généralement se terminer en 91 avec le départ à la fin des années 80 des troupes vietnamiennes du Cambodge. Mais effectivement, et là notre collègue Christopher Gaucha à Montréal l'a expliqué brillamment, on peut d'une certaine façon voir la fin de la guerre froide véritablement non pas se dérouler en 1989 à Berlin, mais se terminer à la fin des années 70 en Asie, à travers ce conflit extrêmement court, rappelons-le, 3 semaines, à peu près 30 000 morts de chaque côté, un petit peu plus de morts du côté vietnamien que du côté chinois, mais pour la Chine ça a été un choc incroyable. Il suffit d'aller dans ces régions, de voir dans les provinces frontalières, le territoire est parsemé de cimetières, de cimetières qui ne font pas référence uniquement aux morts de la guerre française et de la guerre américaine, mais beaucoup de cette guerre chinoise, mais qui ne porte pas le nom de guerre chinoise. C'est là où j'en viens à votre question. C'est dans ces monuments aux morts, les morts de 79 sont les morts de la guerre des frontières. Il n'y a pas eu de guerre contre la Chine, il y a eu une guerre des frontières. Et dans les années 80, dans les années terribles de relations sino-vietnamiennes, avec des bombardements encore sporadiques du territoire vietnamien, avec l'événement en mer de Chine en 1988 qui a marqué la marine vietnamienne, parce que plus de 88 de ces marins ont été tués par les Chinois directement, jusqu'à la normalisation de 1991. Cette mémoire de cette troisième guerre indochinoise, elle est fondamentale pour comprendre le renouveau, le rééquilibrage de la relation bilatérale entre Pékin et Hanoï. Avec un régime vietnamien, dites-vous, qui hésite à affronter directement désormais son grand voisin chinois politiquement et qui fait en sorte de le ménager la plupart du temps, même lorsqu'il le critique, il ne le critique pas jusqu'au bout. C'est très étrange, ça, tout de même, d'avoir cette relation un peu particulière avec ce voisin. Non, il n'y a rien d'étrange à cela. Le Vietnam a besoin d'avoir un allié politique dans la zone. Le monde a changé. L'isolement fondamental du Vietnam après la fin de l'Union soviétique a été un coup de semonce qui a été vraiment très mal interprété par les idéologues et les hommes politiques vietnamiens au début des années 90. Donc c'est clair que la Chine c'est l'ennemi de toujours. On l'a montré avec le panthéon des grands stratèges vietnamiens. Ils sont tous centrés, ils sont tous obsédés par la question chinoise. Mais dans un même temps, on est en train de penser où l'élite politique vietnamienne est obsédée par sa pérennité, par sa survie et la présence à ses frontières d'un régime similaire qui joue de la carotte et du bâton en permanence crée de l'ambiguïté et crée une ambiguïté sur laquelle les Vietnamiens sont obligés de surfer. Il n'y a pas et l'histoire du Vietnam et l'histoire de la guerre du Vietnam, celle qui est encore à faire, cette histoire de l'internationalisme de la guerre du Vietnam, elle montre en permanence que ce qui caractérise la position des Vietnamiens, c'est le louvoiement. Ça a été un jeu permanent pour pouvoir essayer de maintenir à flot le navire dans des eaux, on va dire, mouvementées. Et François Guillemot, ce qui est notable, c'est qu'effectivement, de cette guerre est sorti un régime qui est encore au pouvoir aujourd'hui, avec un parti unique et avec un rôle très particulier de l'armée justement révolutionnaire, qui avait vaincu les Américains pendant cette guerre américaine, qui structure encore, même s'il y a eu des tentatives d'ouverture, qui structure encore la pensée, la politique, la vision du monde du Vietnam contemporain, François Guillemot. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que ce serait à Benoît de répondre, parce que c'est vraiment lui le spécialiste. Bien sûr, mais vous connaissez aussi. Mais je reviendrai sur ces questions de diplomatie. Je pense que les Vietnamiens ont une approche à la fois nationaliste et tout à fait pragmatique. C'est-à-dire qu'on épouse effectivement les aléas et les provocations qui peuvent venir de la Chine, comme l'a démontré d'ailleurs la fameuse crise de la plateforme pétrolière en mai-juin 2014. Mmh. Il y a une plateforme pétrolière qui était installée dans cette mer de l'Est, donc au large du Vietnam, et qui était donc voulue par les Chinois, qui posait une vraie question de relation dans cette mer de Chine méridionale, comme les appellent les Chinois, entre la Chine et le Vietnam. Oui, alors c'était intéressant parce que on a quand même vu la capacité du Vietnam à mobiliser d'abord sa communauté au niveau international, les Vietnamiens de l'étranger qui sont répartis un peu partout, à mobiliser une sorte de forme de transnationalisme pour appuyer sa position, et puis au niveau international à plaider sa cause. Donc on voit que les ressorts sont tout de même, voilà, on fait attention au discours chinois et à l'action chinoise, hein. On n'est pas tout de même dans la soumission, et je pense que ce que redoute en fait le Vietnam actuellement, c'est d'une part de se maintenir au pouvoir tel qu'il est, l'État parti tel qu'il est, mais cette logique de l'encerclement qui rappelle un peu ce qui s'est passé dans les années 80, c'est-à-dire le poids aussi de la Chine au Laos, qui a des relations spéciales d'amitié que les Vietnamiens ont développées depuis les années 50 entre les deux États partis laotiens et vietnamiens. Et au niveau de la péninsule, le Vietnam craint aussi cette logique de l'encerclement par des réseaux chinois qui feraient peser une certaine menace et par la mer et par la terre et isoler un peu le Vietnam. Donc cette approche pragmatique, elle peut déboucher sur des crises répétées, mais évidemment on ne peut pas trop savoir à l'heure actuelle comment va réagir l'État parti face à cela et sa population. Mais il y a une capacité de mobilisation de la population qui est quand même assez réelle. Hein. Et qui est maintenu d'une certaine façon, Benoît de Triglaudet, par cette structure qui structure de façon assez régulière le pays, qui est à la fois le parti, dont vous êtes spécialiste, et puis l'armée nord-vietnamienne, enfin l'armée révolutionnaire qui est issue justement du Nord-Vietnam. D'où l'importance d'une lecture historique de ces enjeux contemporains aujourd'hui au Vietnam. C'est cet État né de la guerre, d'une guerre de libération, de plusieurs guerres de libération. Il est né aussi d'une fondamentale ambiguïté des relations du Vietnam avec ses grands voisins. Et sans remonter jusqu'aux années 50, il est clair qu'aujourd'hui, Hanoï n'a pas les moyens de choisir un camp. Tout l'enjeu, il est là, il est d'essayer de satisfaire les uns et les autres, tout en essayant de préserver une capacité à être indépendant et autonome. C'est ça aussi. Une ambiguïté supplémentaire, Benoît de Triglaudet, c'est que tout de même, en lisant certains de vos collègues de l'IRSEM, j'ai découvert, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, que quand on interrogeait aujourd'hui les think tanks de Washington et qu'on leur demandait quel est votre meilleur allié en Asie du Sud, ils disent le Vietnam. Oui, mais j'étais il y a deux jours à une conférence sur les questions et les équilibres stratégiques à Moscou, organisée par l'Institut d'Asie orientale. Là, une question identique a été posée à mes collègues russes et ils ont répondu de la même façon, que leur meilleur allié en Asie du Sud-Est, désormais, c'était le Vietnam. Mais là, on est dans une rhétorique qui est différente de notre métier. Merci à vous deux. Donc merci François Guillemot. Je rappelle que vous êtes auteur avec Agathe Larcher-Gaucha de La colonisation des corps de l'Indochine au Vietnam et que vous allez publier l'année prochaine à la Découverte Le Vietnam, une histoire contemporaine de 1858 à nos jours. Et pour vous, Benoît de Tréglaudet, vous êtes auteur de Héros et révolution au Vietnam aux éditions des Indes savantes en 2013. Et l'année prochaine, avec d'autres, vous publierez Une histoire du Vietnam de la colonisation à nos jours aux éditions de la Sorbonne. Merci à tous. Voilà pour cette quatrième émission, quatrième volet de notre série sur la guerre du Vietnam. Une émission préparée par Aurélie Mars et Francesca Fossati. Comme d'habitude, Élise Leheu et Claire Villot nous ont accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter tout ou partie de cette série, retrouvez-nous sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.